il veut enlever à Q. Catulus le droit de faire la dédicace du Capitole. Le premier jour de sa préture, il cita devant le peuple Q. Catulus aux fins d'enquête sur la reconstruction du Capitole, et il proposa d'en confier le soin à un autre. Mais voyant que les optimates, au lieu d'aller rendre leur devoir au nouveau consul, accouraient en foule à l'assemblée pour lui opposer une résistance opiniâtre, et jugeant la lutte inégale, il abandonna cette poursuite.